Ah, mes amis. Eh ben, je crois que c'est dans la poche pour les JO à Paris en 2012, mais oui. J'ai l'impression que mon speech a fait mougir, hein. Oh, je te les ai pris comme il fallait, les 13 membres et experts du CEO. Un peu de provoque, un peu de menace, un peu de promesse, et hop, le tour est joué. Bon, ça donnait à peu près ça. La parole est à présent donnée à Helmut Perchu. Helmut, je compte sur vous. Du tact et du doigté. Oh, t'inquiète, Bertrand. Je suis un pro. Mesdames et messieurs du Comité international olympique, je me présente. Helmut Perchu, consultant bénévole et multi-options de la Commission Paris 2012. Vous venez de visiter Madrid et ses rues qui puent la tapas et le chorizo. New York avec ses dealers de crack. Même si pour vous, la cam, c'est pas un problème, vous êtes pas les derniers à vous doper, mais c'est quand même gênant. Et enfin, vous avez visité Londres, où la bouffe peut vous tuer à n'importe quel moment. Quant à Moscou, que vous allez visiter après, ne me dites pas que c'est du sérieux. À part les putes et la vodka, je vois pas ce qui peut vous attirer. Vous avez de la chance d'être à Paris, alors profitez-en. Oui, profitez du paysage, des bêtises françaises, du saucisson, de la baguette. Et donnez-nous officiellement les jeux dans 7 ans. Helmut, taisez-vous, bon sang, vous dites n'importe quoi. Il faut moi la paix, Bertrand. On va pas tourner autour du pot pendant des plans, merde. Ouh, it's a shame, it's a shame. Ah, vous le prenez comme ça. Oui, absolument. On va être direct cette fois. Il y a 4 ans, vous nous avez bien fait bisquer, bande de mange-merde, hein. Tout le monde disait, Paris 2008, Paris 2008. Et au final, vous filez les jaunes, il y a quoi de Pékin. Vous allez pas nous la refaire cette fois. Vous allez signer cette semaine, ou bien vous laissez pas repartir. Non, parce que je vous connais par cœur tout ce temps que vous êtes, hein. Vous vous dites, les parigots, ils volent les jeux, alors on va les faire mariner, tout ça pour que vous filez du pognon, vous filez du pinard, vous filez des putes pour les 7 années à venir, et ben que dalle. Et qu'on vienne pas nous parler du côté noble du sport et sa présentant, incorruptible, ouais, mon cul, c'est haut. Y a pas de noblesse, c'est du business, à bois, c'est tout. Alors moi, je vous le dis, il se passera bien quelque chose à Paris. Soit les jeux en 2012, soit vos enterrements en 2005. Sur ce, je vous souhaite un bon séjour. Voilà, sans trop vouloir m'avancer, je crois que c'est bien parti pour Paris. Une fois de plus, ce sera grâce à Helmut si ça se confirme. Oh, ça me fatigue à force d'être le meilleur. Allez, auf Wiedersehen.